La maison de repos des vétérans de guerre de la province du Gangwon a été inaugurée le 29 juin en présence des cadres intéressés, vétérans de guerre, bâtisseurs, personnel de la maison et autres habitants. Construite dans un site pittoresque du lac Sizhun du littoral est du pays, elle est munie des installations nécessaires aux soins et à la vie culturelle des convalescents, comme les salles de soins, de sport et d'attractions.